pour le temps ne m'attend pas, j'espère la vie un peu plus moins. Si cela ne m'étouffe pas, mon rythme monte en zoo rouge. Mais c'est le rythme de quotidien, j'espère le cœur va pas lâcher. Juste à moitié de mon chemin, je rends dommage tout le mien. Que c'est parti, y'a pas d'oubli. J'ai avec mousse, mais de mousse, on se réveillera au paradis. Logique, la clique, lueur, la loi, les capésés, va le cesser. Les amateurs du hip hop, qui sait pas la BAC. Les ennemis de préjugés, les rues, les synonymes, les crimes sont à te sert de les pesants produits représentants de la crème. Ce n'est que disent qu'on n'a pas de qualité, de trout sans la sueur. Pas d'argent tombé du ciel pour les mettre en valeur. Les mains attachées sans pouvoir poser ma pierre à l'édifice. Entre bien et mal, le bien représenté par la police. Quand tu fais partie de complices, n'oublie pas que tu es tout seul. Quand on met les lumières en face, il vaut mieux fermer sa gueule. Quand tu tiens prime dans les mains, n'oublie pas que tu n'étais pas seul. Toujours une chance sur deux, un prime. Avoir le deuil, trop de larmes, se larme, mais je larme car j'ai pas le choix. Trop de larmes et gauche larme, des hommes qui se mettent au contrepoids. Je profite de ce que je peux de peu, mais je mets jamais au pied. Je mets le feu, paresseux qui essaient de abîmer mon biais. L'arrêt cardiaque survient sous la pression de stupéfiant. J'attends mon cœur battre, mais pas les leurs malheureusement. Je prends ma douche pour évacuer toute cette crasse et me savonner de ces idées noires de casse. On restera toujours solide même dans les pires moments. Je garde une pensée pour tous mes frères et pour maman. Moment de solitude, personne te calcule, c'est dur, bref, comme d'habitude. Tu te sens parano, crois que tu fais le mal partout où tu passes. Et qu'il vaudrait mieux que tu te casses, que tu serais plus tranquille dans l'au-delà. Comme Kerry James relève la dette, on est loin de ça. T'es jeune, profite, amuse-toi et ne t'occupe que du bon. Laisse tomber le mauvais, oublie le passé, t'as endossé la voix de la jeunesse. T'as pas déraillé, t'es en lutte contre la vieillesse, alors profite. Vis ta vie, fais pas de conneries que tu pourrais regretter. Fais pas de conneries qui pourraient te niquer toute une partie de ta vie. Une crise courante faiblesse, un dur moment de détresse qui te pousse à accumuler stress. On est confronté au malheur de la vie, on vit, mais se cachant nous des pleurs, on pleure. Mais personne ne le voit, les gens croient en notre bonheur, mais il n'y a que ça je crois. Je dois 18 ans de ma vie à Dieu et à mes parents. Mais notre Dieu cherche à nous déstabiliser, ça c'est pas marrant. Mes parents se sont portés garants pour me mettre au monde. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des gens qui font le monde. Ce Dieu est en haut, omniprésent. Pourquoi les morts que l'on compte restent dans nos cœurs omnipesants?